Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta, en Venezuela que lo mueva. Mami, yo sé que quieres vacilar con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila, déjate el tren, mamacita. Todo el mundo quiere, toda la mami lo quiere, sé que prefiere, mami, tu cuerpo no miente. La gente quiere que te rumba ya la vea, quiero el ritmo sin ley. El papi pula, vamos a romper la frontera con un olé. Yeah. Ah, vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta, en Venezuela que lo muevan. Ah, vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta, en Venezuela que lo muevan. Con la mano para arriba. Yeah. Siente el ritmo, mamita. Yeah. Preguntaré a la gente. El ambiente está caliente. Yeah. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta, en Venezuela. Hasta Portugal, de España, Brasil y hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta, en Venezuela que lo muevan. Que lo que. Un, dos, tres, go. Que lo que. La Hindi Mashup. Bon, il y a un petit peu plus de 4 heures sur Énergie. Bon réveil tout le monde, c'est Cédric. J'espère que ça va ce matin. Alors ouais, c'est vrai qu'il y a ceux qui sont encore bien au chaud, sous la couette. Il y a ceux qui bossent aussi déjà. Il y a de Ludo, il est à Rennes ce matin, il est boulanger. Voilà, avec énergie dans la boulangerie ce matin, c'est cool. On va écouter Imagine Dragons pour lui. Il y aura aussi Kenji et David Guetta juste derrière. Et puis bah, là, c'est le meilleur de Mickaël. 23h le soir en direct sur Énergie. Et le matin, en best-of. Écoutez. Bon, alors, on va donc récupérer notre ami Stan maintenant. Toujours là, Stan? Salut. Oui, c'est toujours là. Bon, nickel. Alors, Stan, donc tu voulais nous parler de sexcam, c'est-à-dire? C'est-à-dire, en fait, j'ai été contacté par une jolie fille sur Facebook. Oui. Voilà, elle m'a demandé comment où j'habitais. J'ai dit où j'habitais. Elle m'a demandé si j'étais célibataire. J'ai dit oui. Elle m'a demandé combien de temps. J'ai dit aussi. Et j'ai demandé pareil pour elle. Elle m'a dit aussi pareil. Et puis, je sais pas quoi, même pas 30 minutes de conversation, elle m'a demandé si elle voulait faire une test cam, en fait. Mais ça, c'est l'enfume. Hein. C'est-à-dire qu'une meuf comme ça, alors soit tu vas devoir la payer à un moment ou à un autre, soit c'est genre pour te faire chanter, pour te piéger, enfin tu vois. Exactement, exactement, exactement. C'est que j'ai pas attiqué tout de suite en fait. Et dans la vidéo, elle demande si t'as un compte scam, un quoi concurrent. Un compte Skyrock en fait. C'est, Skype. Ouais. D'accord, ouais, c'est pas la même chose. Ouais, hein, puis, bah, ouais, excusez-moi. Pardon. C'est pas grave, on t'en prie. On t'excuse pas. D'ailleurs, tu es banni, dégage. Non, on rigole. Bon, et donc j'ai foutu un coup de pelle. Et puis, et puis en fait, compte, bah, j'ai déjà un compte, j'ai donné mon compte, etc. D'accord. Pour se voir en vidéo. Puis en fait, compte, elle allume sa webcam. On voit une fille, tout à fait une fille bien, mais sauf qu'elle dit qu'elle a plus de micro, ce micro est caché. Bah oui, évidemment. Comme par hasard. On peut pas en parler. La fille, tu vois qu'elle se déshabille, elle se touche, etc. Et ben après, je fais pareil, elle demande voir mon pénis, c'est ce que j'ai fait voir. Et à un moment, bah, la vidéo se coupe, elle dit voilà, si tu me donnes pas de temps, voilà, etc. C'était sûr. Et puis après, je lui ai fait, ouais, j'ai dit, vas-y, si tu veux, tu peux partager, parce que j'en ai un fou, j'ai fait mon instant de travail, c'est des films porno, j'étais acteur X. Il a fait une porno. Il fait, ouais, mais si tu me donnes pas l'argent, 10 000 euros, je te... 10 000 euros, tu sais, la meuf, elle s'emballe complètement. Toujours plus. Grave. Ouais, et puis elle me dit, si tu ne me donnes pas 10 000 euros, je peux le vivre sur TF1, je l'envoie sur TF1 dans les journaux. Sur TF1, mais comme si TF1 avait quelque chose à foutre. TF1 va mettre des bits. Après 22. C'est là. Pour 20h à la une. Bien sûr. C'est là que j'ai pris conscience, parce que je savais très bien que quelqu'un qui était pas au courant de ça, et c'est pour ça que je vais intervenir sur ça, et puis leur signaler sur ça, parce que t'as plein de gens qui sont à voir et qui suscitent parce qu'ils en ont peur d'en parler à leurs parents, ils en ont peur d'en parler. Ça, c'est vrai. Et qui se mettent à fin leur jour parce qu'ils ont peur que ça soit publié. Alors, faut que je leur signale que YouTube, tout ce qui est YouTube, le journal, même dans tout ce qui est Internet, tout ce qui rapporte le sexe, etc., ou qu'on voit un pénis, ou que même, etc., YouTube, la vidéo ne passe pas. Même le compte, ce qui a publié, sera censuré, le compte, il sera bloqué. Et y a aucun journaux, aucun télévision qui passera la vidéo. Simplement, c'est impossible. Juste qu'ils disent ça, c'est pour vous motiver de donner l'argent, en fait, tout simplement. C'est ouais. pas vrai. Voilà. Alors, c'est ce qu'il faut putain, faire. Merde, j'aurais pas dû payer. Moi, j'ai pas payé parce que j'ai fait croire que au bout d'une demi-heure de conversation, voire même plus, une demi-heure de conversation, bon, pratiquement une heure, le mec, à un moment, il a vu que je lâchais pas l'affaire. Il m'a mis à se maillot avec un cadeau, toi. Ah ouais. En disant, ok, bah, tu m'as bien eu, toi. Non, mais voilà, c'est que j'ai juste pas lâché l'affaire. Oui, mais surtout que même les vidéos de meufs qui sont en train de se foutre à poil, etc., c'est pas des meufs qui sont derrière le PC, c'est des trucs enregistrés en fait. Ouais, t'as fait, hein. Ouais. Après, compte, c'est des blagues parce que j'ai un ami qui l'a fait le même coup, sauf que le mec s'est envoyé la photo, mais c'est pris en photo sans faire exprès, il l'a envoyé, toi. Oui, enfin, calme, Stan, sur les termes raciaux comme ça. Ah oui, c'est pas raciaux, c'est pas ce que je veux dire, c'est les Africains en fait qui font ça. Oui, mais bon, bref, il y a plein de gens qui vous êtes passé le mot là. Je pense qu'il y a aussi des Marocains, il y a des Chinois, hein. il y a des Américains. Il y a même des mecs du Cantal. Ouais, oui, c'est pour te dire. Ouais, ok, bah désolé alors. Non, mais bon, bref, on s'en fout, c'est des arnaqueurs fins. Voilà. C'est ça, voilà. Et en fait, quand faut se dire que ça. Voilà. Une Chine ne demandera jamais au bout de 30 minutes qui veut faire une scam. Ça dépend. Faut qu'ils entendent. Ouais, non, mais effectivement, il faut se méfier, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est très, très rare. C'est très vraiment. Oui, c'est plutôt rare. Effectivement, ouais. Donc, bah écoute, merci Stan, en tout cas. Ok. Est-ce que je pourrais avoir un Mina, s'il vous plaît? Bien sûr, je te repasse dessus. Tu veux la voir? Comment ça, tu veux la voir? Tu veux la voir pour chez toi? Attendez. Amina, Amina. Oui, oui. Faut les cacher un peu, hein. Les cacher? Mais elle peut pas, elle n'a pas les capacités. Les clasher, mais t'inquiète pas, c'est ma vie. Occupe-toi de ta cam. Oui, occupe-toi de tes cams, là, au lieu de venir. Va t'occuper de ta sextape. Ouais. Je rigole. Bon, tu rappelles quand tu veux, en tout cas, Stan. Je peux revoir un Mina pour que tu puisses. Oui, je te la repasse, t'inquiète, Stan, il n'y a pas de problème. Merci. Salut, Stan, à bientôt. Salut, à bientôt, puis bon courage. Merci, tu parles de nous par rapport à Mina, je te remercie, c'est bien urbain, de t'en rendre compte. Mickaël, rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, found the wrong within the past, knowing we are the youth, caught until the beast, out of world without the peace, facing a bit of the truth. Vous êtes sur Énergie, salut tout le monde, bon réveil, j'espère que ça va ce matin, une belle journée. On est mercredi aujourd'hui, on va écouter Kenji et David Guetta, ainsi d'Adju et Dean Lewis, et avant de le retrouver ce soir dès 20h. Voici le meilleur du Rico Show sur Énergie. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur Énergie. Et on a Christelle, on tente de la faire rire, Christelle. Ouais. Allez, avant le VTC de la peur. Ça va Christelle? Impeccable. Christelle, elle a un rire de dingue, on l'aime trop et on tente de la faire rire. Voilà, vous voyez. Pardon. Une hyène. Voilà. On va voir, attention, Sarah, c'est parti, tu tentes de faire rire Christelle, ta blague. Alors, Christelle, est-ce que tu connais le cri du spermatozoïde? Que quand tu le marches. Ouais, bah la prochaine fois, au lieu d'avaler, tu croques. Oh non. Ah, voilà, Christelle a rigolé. Ça Sylvain. Cacahuète. Voilà, c'est bon, tu vois, ça marche à chaque fois. T'as que ça en stock, c'est quoi ça? Ouais, je rigole pour rien, donc j'ai du cacahuète. Hein. Bah, c'est ça qui est drôle. Ah, il est con. Il va être vexé aussi, le pauvre. Non, vas-y, JM. Ouais, Christelle, tu connais la différence entre Adil Rami et Pamela Anderson? Non, mais je m'attends au pire. Non, mais il y en a pas, ils courent tous les deux au ralenti. Oh non. C'est vrai. Cela dit, sur le but de Rami que j'ai vu ce week-end lors de Marseille Montpellier, c'est vrai qu'à un moment donné il danse comme Pamela. Sur un foxtrot à dire Rami. Christelle, attention, Brian va te faire une vanne. Ça va mon Brian? Ça va et toi, Rico? Écoute, en Salut. Pleine forme, t'as fait le 0870 42 48, t'habites Mulhouse. Et moi, mon numéro, c'est, si jamais, mon numéro, c'est 07 62. Non, lui dis pas, c'est peut-être pas son numéro. Brian, il faut donner le vrai, il faut donner le vrai. Brian! C'est le vrai? Non, fais pas le con, Brian, tu as des emmerdes. Ouais, Sylvain va t'appeler toute la nuit. Brian, essaye de faire une vanne à Christelle, on voit si elle se marre, c'est parti. Alors, Christelle, comment appelle-t-on un chien sans pattes? On l'appelle pas, on doit le porter. Ah. Pas mal. Bravo. Elle est fut de fou. Brian. Brian, Christelle, elle rigole même avec Poète. Brian, c'est Jackie Chan. Attends, j'en ai une autre. Vas-y. Alors, c'est un séducteur qui emmène une femme dans sa chambre d'hôtel. Et arrête de lire. Bon Brian, ce soir c'est pas ton soir, mais tu sais quoi? Tu repars avec Christelle. Tu repars avec Christelle et crois-moi que là, avec tout ce qu'elle a rigolé, elle est bien chauffée. Elle a de la bouteille apparemment. C'est ce qu'on dit, hein. Femme qui rit. Mais vous arrêtez de m'embêter. Brian, c'était pas mal. C'était pas mal. Brian, je vais te faire un petit cadeau. Merci d'être passé mon poulet, je t'aime fort. Je te remercie, Rico. Bisous, mon Brian. Ciao, Brian. Bisous. Ciao. Quel bonheur. Christelle. Ouais. Salut. Oh, bah, salut, c'est tout. Oh. Merci, je vous aimais beaucoup. Je voulais voir si tu rigolais, ma Christelle. Christelle. Non, je suis bonne comédienne, quand même. On t'aime fort, ma Christelle. Hey, elle est excellente. Mais moi, je vous adore plus que vous, mais moi. Ça, c'est pas sûr. Fais gaffe, Christelle. Moi, j'ai déjà ta photo dans ma piole. Hein. si tu savais à quoi je ressemble, tu serais ouf. Oh, bah, Christelle, je peux te dire que la photo, je l'ai eue et elle tient toute seule au mur. Je te laisse imaginer pourquoi. C'est de la pâte à fixe, ça te fait pas de fausses idées. Christelle, j'ai une bonne pâte à fixe. N'imagine pas autre chose. Christelle, je t'embrasse. Merci d'être passée dans le Rico Show. On t'aime. Bisous, ma Christelle. Ciao. Bisous. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. Enfant des villes ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera, comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier.

up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold, you pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You'll find another and you'll be just fine. Let her go. Nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never Bienvenue sur Énergie, c'est Cédric. Salut tout le monde. Bon réveil. Que Black The Prince Karma arrive dans la playlist Énergie. Oui, on se réveille avec vos hits préférés en pleine forme. On se souvient meilleur de Mickaël. 23h, 3h toutes les nuits sur Énergie. 0870 42 48 pour lui parler en direct. Et d'ici là, voici ce qui s'est passé la nuit dernière sur Énergie. Écoutez. Et nous allons jouer avec Marine. Bonsoir Marine. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien et vous? Bah super. Ça va. Allez, bienvenue Marine. Alors, on va jouer maintenant au taxi du bled. Le principe du taxi du bled, c'est facile donc. Hein. Alors, nous allons. Tu vas donc choisir Marine, quelqu'un dans l'équipe que tu vas devoir affronter. Toff, Polo, Amina ou moi-même. Bon Marine, tu veux jouer contre qui? Bah pourquoi pas Amina. Eh bah très bien. Le principe donc, tu vas aller. Attends, on appelle où déjà? On appelle à Charleroi en Belgique. Donc du coup, tu vas aller où Amina? Je sais pas, Charleroi, Rome, ça fait quoi à peu près? Oh, ça fait 1000 bornes, oui. 1000 bornes, vas-y, bah Rome alors. Oh, ouais. Ok, très bien, direction Rome. Et donc, le but, c'est que le taxi, en fait, dise ok, c'est bon, je suis d'accord. Même si, voilà, il dit, on se rappelle demain, mais dans l'absolu. En gros, si jamais il dit pas oui, ok, tout de suite, il faut dire non, mais dans l'absolu, vous êtes d'accord. S'il dit oui, c'est bon. Allez hop, on y va, c'est parti, on appelle. Et mauvaise chance, évidemment. Merci. Puisses-tu perdre lamentablement et salement. Enfin, pardon, mais là, je pars quand même avec un handicap. Hein. Autant, j'arrive souvent à négocier. La dernière fois qu'on appelait Charleroi. Ah ben voilà, c'est ça l'occupé. Le taxi, moi, la vie. Et oui, le taxi est occupé. C'est vrai, le taxi est busy là, est trop occupé là, il peut pas allô, décrocher. Allô, ça c'est allô. Il y a pas de voiture le gars quand même. On a mis au snack. Ouais. Je vais essayer de lui parler son langage. Hey. Hello, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, vous êtes taxi? Moi, je ne suis pas taxi, je suis téléphoniste, madame. Téléphoniste, d'accord. Bon, bah, écoutez, j'ai besoin d'un taxi pour une course, en fait, par rapport à mon boulot. Je dois absolument me rendre d'ici la fin de semaine prochaine à Rome. C'est une course un peu particulière. Je le fais avec plusieurs taxis. Mais bon, là, mon taxi habituel ne répond pas à son GSM. Et donc, du coup, taxi habituel ne répond pas à son GSM. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Et donc, du coup, je cherche un nouveau taxi qui saurait m'emmener à Rome. Allô? Oui, allô. Est-ce que vous sauriez m'emmener? Quand? Bah écoutez, bah pour Rome et dans l'absolu, la fin de semaine prochaine. C'est mon entreprise en fait qui règle tout, donc tout pourrait être défrayé, hein, c'est-à-dire le trajet avec l'auto. J'ai raccroché 37 secondes, et, bah, il a dit oui. Ah oui, c'est vrai, merci. Il a dit oui. Pas la peine d'en faire 3 tonnes non plus, de faire 2 heures. Doute, c'est dommage, il était bon quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, mais bon. Non, je ne suis pas taxi, je suis téléphoniste. Bon, Marine, 37 secondes, score à battre. Ouais, bah on va essayer. Bah je te souhaite bonne chance. Bonne chance. Allez hop, c'est parti, on y va, on l'appelle, on te rappelle le même. Ouais, bah t'as raison. Toi. Non, je ne suis pas taxi, je suis téléphoniste. Et alors, il ne sait pas répondre sur GSM. Ah oui, c'est vrai, il ne sait pas. Ah, oh là là. Merde. Mais c'est pas possible, ils ont pas tout occupé quand même là. Il y a des problèmes à Charleroi. Ouais, je pense, ouais. Attends, on appelle un autre. Ah bon, Dieu, il y a que ça. J'espère qu'il sera disponible tantôt. Ouais, ouais. Je ne peux pas, je suis resté coincé là. Allô. Ah. Allô. Allô. Oh. Non, mais ça ne sonne pas. Hein. Et prends ton cornet, dis. Oui, allô. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Vous êtes bien taxi ? Oui, mais c'est pas le bon bureau. Pourquoi, que puis-je pour vous ? Parce qu'en fait, j'aurais besoin de me rendre à Cannes avant la fin de la semaine prochaine. C'est le bureau des taxis. Parce que j'ai un rendez-vous professionnel à effectuer et j'aurais voulu savoir si éventuellement il y aurait possibilité que vous m'emmeniez. Où ça ? À Cannes. À Cannes, à la Côte d'Azur ? Oui, c'est ça. Oui, c'est tout à fait possible. Donc c'est pour une demande de prix alors ? Oui, éventuellement, s'il vous plaît. Je suis prête à payer n'importe quel prix, il faut absolument... Hop là, c'est bon, j'ai raccroché, je suis arrivé sur 30 secondes. Fais la fête et après je t'explique. Bah vas-y, explique. Est-ce qu'elle nous a dit sa destination au préalable ? Oui, mais et c'est pas grave, c'est une destination qui est ok. S'il avait dit oui, pourquoi je c'est okay, de Charleroi, je dois aller à Lille, là j'aurais annulé le truc en disant effectivement, on a oublié de demander. Qui gratte là. Mais là, non, attends, mais c'est une blague. Non, mais attends, Cannes, c'est quoi cette destination pétée ? Attends, de Charleroi à Cannes, il y a 1000 bornes, c'est pareil, il y a 1000 bornes de Charleroi à Rome, arrête ton cinéma. Non, c'est pas pareil, en plus c'est la France et tout, ils rêvent de venir en France. Oh là là là là là. Victoire, Marine ! Il y a quelqu'un qui parle derrière ? Oui, c'est moi. Ah, pardon, pas. Eh ben, give a fuck, Amina. Voilà, c'était dit dans la chanson, ce n'est pas moi qui le dis, bien évidemment. Non, bon, Marine, eh bien voilà, félicitations, cette victoire, 30 secondes écrasante. Bon, ben Marine, bravo à toi. Je t'en passe à Amina qui va se faire un plaisir de prendre tes coordonnées pour t'envoyer les cadeaux. Franchement, Marine, tu fais pitié, hein, comme ouais, moi. C'est ça. Oh, ouais. Bah, si tu veux, je peux recommencer plus loin. Ouais, elle est mauvaise perdante, c'est tout, Marine. Bon, en tout cas, bravo à toi. Je te renvoie Chamina. Salut Marine. D'accord, merci. Salut. Salut à toi. Ciao à toi. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. I shouldn't have said that out loud. I'm not, like, wearing any underwear, so... Later, bitches. Salut tout le monde, bon réveil, attention, beau gosse de ouf pour vous réveiller ce matin. Je parle pas de moi, ça serait. On écoute Bradley Cooper, et c'est une autre dimension, hein, c'est sûr. Bradley Cooper pour vous réveiller ce matin, avec aussi Lady Gaga, Marshmello et Basti dans la playlist Energy. Et avant de le retrouver à 20h ce soir de nouveau sur Energy en direct avec toute l'équipe, voici le meilleur du Rico Show sur Energy. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur Energy. On parle des fois où on ferme les yeux, on aura un copain qui sait que sa mère trompe son papa, oh. Il l'a su et évidemment il ferme les yeux de là-dessus. Et puis nous on parle des fois où on ferme les yeux alors que ça nous saoule et qu'on le sait, ça arrive, c'est comme ça. Ok, la boîte à dodos, tous les dossiers sur l'équipe de façon anonyme et croyez-moi il y a du très lourd. Le canular de la nuit arrive avec Claude Alexo. Le voyant fou, vous le connaissez, il est là. Il voit. Je pense que pour la France, malheureusement, ça peut être la fin de la compétition. Il voit. Pour moi, c'est le Brésil qui remporte la Coupe du Monde. Ah bah non, en fait, il voit que dalle. Claude Alexo est dans le Rico Show. Ouais, il est dans le Rico Show et comme d'hab, il voit tout de travers. Et Sarah, je sais qu'on va chez une copine du Rico Show. Oh là là, en fait, c'est Sandra qui a voulu piéger sa tante Véronique. Et Véronique, ouais. C'est son baptême de voyant. Elle a jamais vu aucun voyant, mais elle y croit à mort. D'accord, bah écoute, on se fait ça dans une vingtaine de minutes. On va se marrer, on va s'écouter du bon son. Dadju arrive. Z. Et Drake. Et puis, il y y a un message de Sandra, hashtag Ricochot sur énergie, qui dit: je ferme les yeux quand je me suis prise la tête avec quelqu'un de proche, que la personne a tort, eh ben tant pis, je suis pas rancunière. C'est ouais. beau. C'est, ouais. beau ouais. c'est beau ça. Sarah a tout le temps tort, mais je lui dis non, pas. Non, non, toi t'as tout le temps tort et je me reconnais dans ce qu'elle vient de dire. Je c'est ferme beaucoup vrai. Les yeux avec toi. C'est pas vrai. Ouais, vraiment. Écoute, il vaut mieux avoir tort qu'être un tordu comme Sylvain. Oh. Qu'est-ce que tu préfères? Bon, non, je préfère avoir tort. Voilà. Le tordu ou le tort? Le tort. À chacun son délire. Et puis, on nous dit aussi, moi, j'ai fermé les yeux sur l'avertissement et l'heure de colle que ma fille a eu pour avoir mis un coup de poing à notre camarade. Oh. Parce qu'elle lui faisait souffrir. Et je lui ai dit, écoute, rends-toi. Bon, doucement sur la violence. Ouais. Et j'aurais aimé qu'on ferme les yeux plus souvent. Oh, bah, ça, c'est sûr. Sylvain, quand est-ce qu'on ferme les yeux chez toi? Ah, moi, un truc de ouf. Tu sais, au début. Attends, il y a tout qui est ouf chez toi. Bah, grave, ouais, ouais. Chaque démarche, à moi, un truc de ouf. En fait, il se concentre et remet la langue. On va les compiler toutes les fois où il a dit un truc de ouf. Un truc de ouf. Non, non, mais j'avais un idéal féminin. Ouais. Tu vois, quand j'étais jeune. Ouais. Tu vois, j'avais vraiment un idéal de ouf. Ouais. Et là, plus l'année passe. Eh ben, plus l'idéal, il retombe, quoi. Tu ouais, vois, tu pécho ce que tu peux. Ouais, c'est ça. C'est un peu ce qui passe, qui veut bien, quoi. Ouais. Non, hein, c'est ouais. ce qui hoche la tête. Bah, dès que ça a deux jambes, deux bras, voilà, quoi. Je suis... Est-ce que se passer certaines heures, quand vous êtes célibataire, vous n'êtes pas prêt un petit peu à dire oui un petit peu à ce qui se passe? Bah oui, évidemment, sérieux. Mais non, mais... Célibataire, à 4h du mat, tu... Bah oui, quand t'en as un peu marre, t'as un coup dans le nez avec modération, évidemment. Je t'en fous si la meuf n'est pas très jolie. Ouais, moi, je vois Sylvain. Bah, Rico, tu peux te mettre dans le panier aussi. Ouais. Parce que vous, écoutez-vous. Ouais. Tu, hein, aussi. Ça ne ouais. m'est jamais arrivé. Ouais. C'est ouais. Moi, c'est le qualitatif à toute heure. Ouais, c'est ça. Ouais. Le bon vin, c'est à chaque heure. Bon, les gars, à 5h, on lâche les vannes. Hein. Ouais, c'est de la piquette à la fin. Ah, non. Non. Joie, hey. Mais ce qui est bien, c'est que la nana que vous avez choisie, pour elle aussi, vous êtes de la piquette. Ah, bien sûr. Bien sûr. Après, attention, Sarah, des fois, elle flaire les bons coups. Elle sait, c'est comme au marché, c'est à la fin que tu peux avoir la salade à moitié prix. Hein. Elle est là et regarde si elle peut pas faire une bonne affaire sur le, sur le mécheux de 5 heures. Ah, ouais, ah oui. Non, mais par contre, à l'époque, c'est vrai, quand j'étais célibataire, il m'arrivait de fermer les yeux. En fait, j'étais avec un petit jeune et c'est vrai que je fermais les yeux sur le fait qu'il était avec moi parce que j'avais plus de sous que lui. C'est pas. Ouais. Ah ben, je ouais, savais ouais. que voilà, il était avec moi parce que je lui payais 2-3 petites bricoles. Ah, pour la maille. Ouais. Pour la thune. Je fermais les yeux. C'est pas vrai. Je te jure. Ah ouais. Ouais. Lui, il aurait aimé que tu ouvres les cuisses. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. This modern world, or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change. Fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hard? Hardcore.

sun, life is a piece of mind. Seeking a find, I can sleep when I die. Want a piece of the pie, got the keys to the ride. And shit, I'm straight, I'm on my way. I'm on my way, get up my way. I'm running late, what can I say? Legend is Exodus, searching for euphoria. Trudging through the mud to find the present, no ignoring us. Got 20,000 deep up in the street like we some warriors. My mama told me never bow your head. Whoa. I feel good. Deux secondes. J'ai vu mon ordinateur. Oh là, voilà. Ah oui, là. Cool. Pas trop vite. Oh. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Bah, excusez-moi, l'ordinateur met du temps à s'allumer. Ah ouais. Bah tout le monde fait ça quand il arrive au travail. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, quand il arrive au travail, tout le monde, qu'est-ce qu'il fait? Ah, qu'est-ce qu'il fait? On allume l'ordinateur. Ok, et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Petit café. Petit café. Allez, voilà. Ok. Ah, d'accord. Bah, à tout à l'heure. J'ai décidé de faire comme tout le monde. Ouais. J'arrive au travail et je vais boire un petit café. Ouais. Manu vient de sortir du studio et d'aller prendre un café. Ah, il est tout va bien. Parti. C'est bizarre. Bien. Ouais, il est parti. L'émission commence très bien. Mais l'ordinateur est allumé. Ouais, bien, bon point, quoi. Donc, bienvenue du coup dans Manu en 6-9 sans Manu. Okay. Il est là. C'est comme au travail, hein. Quand le chef est parti. On arrête. T'avais pas de monnaie ou on était vraiment très nul? Alors, honnêtement. Oui. Non, pas honnêtement. Non. Peut-être pas, pardon. Alors, j'ai de la monnaie. 5h56, soyez les bienvenus sur Énergie, on démarre dans 4 minutes. C'est Manu dans le 6-9. Et avant ça, comme chaque jour, c'est le club du 5-5-5 à 5h55. C'est son anniversaire aujourd'hui. Charlene Spiteri, la chanteuse de Texas. Ah ouais? Ah. Et du coup, je me dis qu'on pourrait écouter un Texas. Trop bien. C'est aussi pour ça que je suis chef. Take my heart, reconsider. Sur Énergie, il est 6h.